Yeah, okay. MC Narcos, MC Devi, Natural, rassemblé. Tu le sais. Yeah, original Raga Hip Hop. Pour être conscient contre la drogue. Yeah, c'est pas les stupes. Non, c'est pas les stupes. Ah, juste pour être conscient et conscient. Écoute ça. Fire. Why, yo. À tous les frères qui ont évolué dans la galère, sans repère temporaire qui te passe le temps à calmer les nerfs, et qu'on choisit la drogue pour pouvoir oublier la outre de rêve qui tous les jours bat en fumée. Depuis tout petit ton entourage te démontre qu'il y a beaucoup de rage, et pour pouvoir tourner la page tu consommes sans voir les dommages. C'est dommage, ok. Youhou. Tu deviens malsain avec toutes ces amitiés. Tu vas à un endroit, c'est juste pour un intérêt, celui de pouvoir planer sans réflexion poussée, pouvoir oublier et parler de tes grosses montées. Mais ce qui est bien malheureux, c'est qu'avant tout les vieux t'ont montré le chemin du respect sans vouloir trop abuser, car tout excès est mauvais et ça toi-même tu le sais. Why, mais tu as oublié ce principe de base pour partir dans de tristes nouvelles phases. Tu as oublié le respect donc tu ne peux plus le récolter. Voilà en vérité ce que j'appelle un drogué. Je reste à la Kayaman juste pour être un Iron Man. No drug, just la fin de la création, tout en gardant la raison et ainsi la réflexion. Narcos MC Devi, original Raga Hip Hop. Ouais, trop de frères se sont fait démonter par une chose qui croyait les aider. Au début tout va mieux, pour ta petite vie tu fermes les yeux, t'oublies les ennuis, tout le stress. Puis un jour la dépendance te laisse sur le bas côté. Et là tu commences à crier, Ouais, trop de frères se sont fait démonter par une chose qui croyait les aider. Au début tout va mieux, sur ta petite vie tu fermes les yeux. Fini le temps des drogues douces, t'as passé le cap supérieur. Les limites de ton corps, tu repousses avec des prods toujours plus destructeurs. T'as commencé comme beaucoup avec la Marie-Jeanne. Tu pensais pouvoir gérer, sûr de pas faire partie de ceux qui meurent jeunes. Aujourd'hui, t'as les joues creusées, ton entourage le cœur serré. C'est pas le même destin pour tous, j'admets. Certains résisteront, d'autres se laisseront tenter. Pour être respecté par tes potes, t'as pris un cacheton. Pour te lâcher en fin de semaine, t'as accepté cette trace. Pour connaître l'extase suprême, t'as mis un carreau à ton bras. Sache que quand t'achètes ta gueule trop, t'engraisses les mafias. Celles qui exploitent les paysans et forment des enfants soldats. Tu ne veux pas admettre que t'es un tox, cercle vicieux. T'enchaînes les subutex, les dangers du te chie, un faux ou un tox. En tout cas, tous les jours, tu crames un axe pour rester flex. J'ai vu des potes se délabrer, perdre toute motivation, le moral sabrer. J'ai vu des refrains s'en sortir, un combat tous les instants pour fuir le martyr. Rien de plus dur une fois que t'es entraîné dans la spirale, sans calculer que tu t'enfonces dans ta vie de marginal. Tu braquerais celle qui t'a mis au monde pour un peu de calme. Tes seuls potes sont devenus tes compagnons de défonce et de vague à l'âme. J'ai vécu des galères, ouais. Est-ce que pour autant j'ai sombré? Sors pas tes excuses, dis-moi plutôt combien de victimes a dénombré à la suite d'overdose ou de maladies contractées. Plus de mal que de bien, les conséquences sont fatales. Je me doute de la cause, la jeunesse n'a plus le moral. Ils banalisent, tirent des rails, puis des rails, perdent les pédales. Mon frère, si j'ai un conseil à donner, lâche la meca, il en va de ta vie, gars. Yo, original Raga Hip Hop. Ouais, trop de frères se sont fait démonter par une chose qui croyait les aider. Au début tout va mieux, sur ta petite vie tu fermes les yeux, t'oublies les ennuis, tout le stress. Qu'un jour la dépendance te laisse sur le bas côté. Et là tu commences à crier, Ouais, trop de frères se sont fait démonter par une chose qui croyait les aider. Au début tout va mieux, sur ta petite vie tu fermes les yeux. MC Devi, Narcos.